On va parler de football, on va parler avec un ou deux experts du site internet lebitsnfl.com. Demain, on va parler avec Tony Guzzo, mais aujourd'hui, on va parler avec Hugues Fauché des agents libres. Et ça tombe bien parce que nos pattes sont bougées pas mal. On en parle avec Hugues Fauché. Salut Hugues! Salut Danny, salut tout le monde! Oui Hugues, les pattes sont bougées pas mal. Et on avait dit, hein, il y a beaucoup d'espace sur la masse salariale. On est allé chercher quand même... on est quand même été chercher plusieurs bons joueurs. Entre autres, moi, ce que je retiens, c'est qu'on est allé chercher Walden, le gars pour mettre de la pression sur le cœur des Ravens de Baltimore. Participer quand même à deux Pro Bowls, c'est pas rien. Ensuite, on est allé chercher des receveurs de passe et des ailiers rapprochés. Des joueurs qu'on a, comme Jonnu Smith. Jonnu Smith est également un gars de. Un autre tie-in, c'est Hunter Henry. Donc, ouais. C'est quand même intéressant de la façon qu'on a bougé du côté des Pats. Écoute, j'adore tout ce que Belichick a fait à date là, au marché des agents libres. C'est sûr qu'il a payé quand même cher pour certains joueurs, là, mais écoute, tout ce qu'il a fait, il y a vraiment un plan dans son action. Ma préférée, moi, c'est Jonnu Smith, qui est un Titan. J'aime beaucoup Hunter Henry aussi, un autre ailier rapproché. Deux receveurs de passe qui est un besoin. Donc, on a Nelson Agholor et Kendrick Bourne. Là, Agholor puis Bourne, ça ne fait pas l'unanimité parce que c'est pas des joueurs qui sont connus tant que ça, mais c'est des gars qui ont des qualités spécifiques. Puis si Belichick les a signés, c'est parce qu'ils ont un plan derrière la tête. Entre autres, Agholor, c'est un gars qui jouait pour les Eagles quand ils affrontaient au Super Bowl, puis c'est un gars qui jouait pour Las Vegas l'année passée, puis d'habitude, quand Belichick signe un gars qui a conquis du succès contre lui, d'habitude, c'est toujours bon signe. En part de ça, il y a Devin Godshaw, entre autres, sur la ligne défensive, qui est un gars moins connu, mais moi, je l'aime beaucoup, Matt Judon, qui est un nommé, puis Edwin Anderson, c'est que, tu sais, durant la saison morte, Danny, on disait que les Patriots, leur grosse faiblesse, c'était la ligne défensive. Donnaient beaucoup de verge contre la course. Et évidemment, les joueurs d'habilité, receveurs de passe et les rapprochés qui étaient vraiment pas à la hauteur l'année passée. Alors, il vient vraiment là, sur le marché des agents libres de vraiment remplir ces deux positions-là. L'équipe, elle est extrêmement solide dans l'état qu'elle est là. Si la saison commençait demain, cette équipe-là n'a pas vraiment de points faibles. Très bonne tertiaire, bon fond défensif avec le retour d'Hightower, entre autres. T'as huit joueurs en défensif qui n'étaient pas là l'an passé, qui vont être de retour. Là. De retour. Puis en plus, ils ont rajouté aussi là, Mills, le safety. Bref, écoute, c'est une équipe. Puis je veux juste mettre une chose. Tous les agents libres, là, c'est la plupart. Jordan a 28 ans, mais les autres, Jonnu Smith a 25 ans, Hunter Henry a 26 ans présentement, il va avoir 27 ans quand la saison va commencer, Mills a 26 ans, il va avoir 27 ans, Agholor a 27 ans, c'est tous des gars, Godshaw va avoir 27 ans au début de la saison, Kendrick Bourne 26 ans, c'est tous des jeunes joueurs. Donc, c'est sûr qu'il a payé un peu plus cher, mais il n'est pas allé chercher des vétérans de 33, 34 ans en fin de carrière, il est allé chercher des jeunes joueurs qui vont être là pendant un certain temps. Puis ça lui donne de la flexibilité, Danny, pour le repêchage, parce que là, tu n'as plus de points faibles évidents. Tu n'es pas obligé de te dire au pêchage, il faut absolument que je prenne un receveur de passe, ou il faut absolument que je prenne un ailier rapproché, ou il faut absolument que je prenne un ailier défensif. Tu as la flexibilité de faire ce que tu veux, y compris de monter au draft pour aller chercher un carrière si c'est ça que tu veux faire. Ouais. Si on y allait maintenant, on va y aller avec Cam Newton. J'ai écouté Denis Cazavant, il avait quand même un bon. Il avait quand même des bons points. Dans son podcast, il y a un podcast de TVA Sport. Okay. Puis il parlait que bon, Cam Newton, c'est vrai que c'était pas fort. Il y a des statistiques, il y a 8 passes de toucher, 12 par la course. Mais il soumettait une possibilité. Il dit si on va chercher une meilleure ligne à l'attaque, meilleur receveur de passe, deux meilleurs alliés rapprochés, Cam Newton pourrait avoir une meilleure saison l'an prochain. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut repêcher quand même. Je ne sais pas ce que Belichick va faire. Regarde, voici tous les comptes d'ici. Je vais juste rajouter un argument pour Cam Newton. L'affaire aussi, il faut que tu te dises, l'année passée, ce qui était vraiment mal pensé de la part des Patriots, c'est que tu amènes un corps arrière qui n'a même pas un été complet pour se préparer. Puis, comment je peux dire, qui a un style complètement, mais complètement différent du corps que tu avais. Votre match hors concours, c'était tellement voué à l'échec, on le dit souvent, là, il n'y avait pas de chance que ça fonctionne. Mais cette année, la situation est différente. Cam Newton a passé l'entre-saison à continuer de se préparer. Il a toujours dit qu'il voulait revenir jouer en Nouvelle-Angleterre. C'était son premier choix, il l'a dit. Dès qu'il a quitté le building, les journalistes lui ont demandé où tu penses aller jouer. Il dit, moi, je veux revenir ici, c'est ça que je veux faire, mais il faut être deux pour danser, tu sais. Et c'est que lui, c'est ce qu'il a voulu, il va être définitivement mieux préparé, avec une meilleure équipe. Puis l'année passée, sa deuxième moitié de saison, il a eu beaucoup de difficultés aussi à cause d'une blessure à l'épaule. Moi, je le crois, là, parce que sérieusement, la deuxième moitié de saison, il était incapable de lancer un ballon, là, ça avait pas de sens, là. Mais en première moitié de saison, il y a eu quelques bons matchs, il va être mieux préparé. Moi, je ça se peut que le plan de Belichick, ça soit de faire un commitment ou comme tu sais, d'un engagement avec Newton. Si c'est ça que tu veux faire, t'es mieux de pas repêcher un jeune carrière parce que là, ça va être le trouble. Tu sais, je sais, Newton va jouer en sachant que son remplaçant peut prendre sa place n'importe quand. Ouais, ça serait... normalement, ça prend un an pour faire un carrière. Tu sais, Mahomes, ça a été un an en arrière de exact. Smith. Après ça, t'en as eu d'autres, donc... normalement, c'est un an. Moi, c'est sûr que je pense qu'à ce stade-ci... Pas tout des Justin Herbert. Oui, non, c'est ça, exactement. Effectivement, t'as raison. Mon plan A, ça serait de monter dans le top 10, parce que, comme je t'ai dit, il y a la flexibilité pour le faire. Là. Il a comblé ses besoins. Il pourrait monter dans le top 10 puis prendre un des carrières. Moi, je pense que c'est son meilleur plan. Il faut qu'il repêche un corps pour le futur. Puis si Newton joue bien, il peut peut-être même passer l'année sur le banc, ce qui est une excellente chose pour un carrière, puis apprendre le système. Puis je pense honnêtement que Newton, avec ce qu'il a démontré, je pense qu'il va être un bon coéquipier avec un jeune carrière. L'année passée, il était vraiment correct. Le gars, il a vraiment tout fait ce qui était demandé. Là, c'était pas de sa faute si son niveau de jeu était peut-être pas assez élevé, mais moi, je pense que ça pourrait fonctionner, mais d'une façon ou d'une autre, avec les armes qu'on a mis autour de Newton cette année, puis l'amélioration de la défensive, moi, je pense que les Patriots vont avoir une bonne année de toute façon. Puis c'était quand même le club de 7-9 l'année passée, Denis. C'était pas le club de 2-14, là. C'est qu'avec ce qui a été ajouté, je pense que, honnêtement, je m'attends à une bonne saison, moi, de la part des Patriots. Les Buccaneers de Tampa Bay également ont bien fait. Les Buccaneers, écoute, Tom Brady, vendredi passé, a re-signé son contrat pour donner de la marge de manœuvre, parce qu'il faut dire que le plafond salarial baisse cette année, là. Et du côté des Bucs, on a Curtis Godwin et Chris Godwin est revenu. Et ouais. On est allé chercher également la volonté David. Et il y a Bennett également qui revient aussi. Donc, Quinte Bennett. Donc, c'est très positif du côté des Buccaneers également. Alors, définitivement, les Buccaneers, le joueur qu'on a perdu, qui va peut-être leur faire mal un peu, c'est l'avanté David, mais David n'est pas encore signé. Donc, ils ont peut-être une chance de le récupérer. Je leur souhaite, là, parce que leur duo de linebacker intérieur, ça a été la clé de leur défense durant la série. Là. Surtout Devin White, mais l'autre, David, était bon aussi. C'est que je leur souhaite de le récupérer. Mais honnêtement, ils ont effectivement très bien fait. Ils ont gardé leur joueur. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est ça, c'est une équipe qui a bien fait. À part ça, je regarde, écoute, si on regarde les contrats individuellement, Danny, il y en a une couple qui me prennent. Par exemple, le contrat de Joe Tooney, que les Patriots n'ont pas signé, là, qui était un excellent garde. Écoute, il a signé pour, attends, je vais te dire le montant, je pense que c'est 80 millions. Ouais, 80 millions de. Ouais, mais peux-tu te dire qu'elle coûte 80 millions, c'est le deuxième plus gros contrat à date. Le plus gros, c'est 82 millions par Bud Dupree. Alors, ils l'ont signé pour 5 ans, alors qu'il y a quand même 29 ans, Joe Tooney, là. 5 ans, 80 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est souvent pas garanti, les contrats dans la NFL. Non, mais il y a quand même, je pense que, je me rappelle plus du montant garanti, mais il y a quand même un montant assez important qui est garanti. Mais non, effectivement, c'est pas garanti au complet, mais je peux-tu te dire, écoute, c'est une équipe, les Chiefs, qui ont laissé partir, il faut quand même en parler, c'est les finalistes du Super Bowl, ils ont laissé partir leurs deux bloqueurs offensifs partant. Donc, Schwartz, qui est considéré comme un des meilleurs de la ligue, et puis Eric Fisher. Donc, la position de bloqueur, souvent, est considérée plus importante encore que celle de garde. Puis là, il se paye un garde de 80 millions. C'est que je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je sais pas c'est quoi le plan. Mais c'est un peu bizarre comme genre de... Je comprends pas celle-là, pour être honnête avec toi. Là, je comprends pas que tu coupes deux joueurs qui étaient avec toi. Tu as l'opportunité de récupérer Laurent Duvernay-Tardif, mais tu signes Joe Tooney à 80 millions. Là, il y a quoi que je comprends pas? On avait libéré Fisher aussi. Oui, c'est ça, Fisher et Schwartz, le bloqueur à droite, le bloqueur à gauche. Deux excellents joueurs de ligne, bye-bye. Ils n'ont pas connu un bon Super Bowl, par exemple, là, mais... Et là, Fisher, t'es blessé. Fisher, t'es blessé. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ben oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. T'es blessé, t'as raison. C'est que là, je me rappelais même pas. C'est vrai, t'as raison. Donc, tu sais, écoute, c'est drôle de... drôle d'idée, honnêtement. C'est particulier. Puis, c'est rien contre Tooney, qui est un excellent joueur, mais... Puis, l'autre affaire qui me surprend, Danny, t'as tellement de bons joueurs actuellement qui sont pas signés. Il y a beaucoup là, d'agents libres. À cause de la baisse du plafond de premier plan, et on a nommé tout à l'heure l'avanté des villes, mais les receveurs de passe, ça sort pas jusqu'à date. Là. Je dis Juju Smith-Schuster n'a toujours pas d'équipe. Galladay n'a toujours pas d'équipe. Ah, c'est vrai, donc, Schuster n'a pas d'équipe, c'est vrai. Non, Justin Houston n'a pas d'équipe non plus. Écoute, j'ai encore la liste, là, puis t'as de quoi faire une méchante bonne gueule. Leviane Clowney est encore sur la rue. T'aurais de quoi faire Malcolm Butler, l'ancien délicat du club. Eric Fisher, toujours pas signé. Schwartz non plus. Larry Fitzgerald, t'aurais de quoi. Justin, t'aurais de quoi faire une méchante bonne équipe de football, on va te dire, avec les agents libres non signés. Tu dépasserais le plafond salarial, là, mais t'aurais de quoi faire une méchante bonne équipe de football. Il y a des très bons joueurs et ça sort pas cette année. Les vraies vedettes des équipes ont peur de les payer, c'est que c'est des gars qui vont probablement accepter des contrats d'un an à moindre prix pour pouvoir se reprendre l'année prochaine. Ouais. Alors, on regarde ça, les... On a vu ça dans les autres sports, on a vu ça de Walker, Taylor Hall, on a, dans le baseball, ça arrive aussi, ça a déjà arrivé. Donc, puis là, ben, le COVID, on sait, pas, là, on est dans l'incertitude complète. Quoique la NFL a signé un nouveau contrat de TV. Donc ça, mais tu sais, ça peut être vu par en raison du COVID aussi, là. Est-ce qu'il va y avoir des spectateurs, est-ce qu'il n'y aura pas de spectateurs? Ça peut avoir un lien aussi. Absolument. Pour le plafond salarial, c'est qu'à un moment donné, moi je vais te dire une chose, ouais, puis les équipes aussi, il y en a qui ont des pertes de revenus, puis il y en a qui voudront pas perdre justement des revenus. C'est que moi, j'attends de voir, mais ce que je te dis, comment je peux dire? Le fait saillant là, des agents libres de cette année, c'est le nombre d'excellents joueurs qui sont encore... Trent Williams, excuse, ça m'a échappé, un bloqueur à gauche de cette qualité-là qui n'a toujours pas d'équipe. Patrick Peterson, écoute, ça n'a aucun bon sens d'avoir autant de bons joueurs qui n'ont pas d'équipe actuellement. Là. C'est que j'attends de voir, mais honnêtement, ça va être très intéressant de voir la suite des choses. Il va avoir, ça va probablement continuer. Il va probablement avoir de très bons joueurs jusqu'après leur fêchage, d'après moi. Dernière question, tu retiens quoi de ton entrevue avec Benjamin Saint-Just? Ah, je retiens plein de choses. Je retiens qu'il est super articulé. Il sait où il s'en va. Puis je retiens, écoute, il a confiance en ses moyens. Écoute, je retiens, tu sais, ça franchit son honnêteté. Comment il s'est lui-même super bien décrit comme joueur, là, sa versatilité, etc. Puis honnêtement, là, je trouve que c'est un jeune kid à qui on peut pas faire autrement là, que vraiment de souhaiter du succès. Ouais. Un beau modèle, franchement. Là, j'espère vraiment qu'au cours des prochaines semaines, il va être plus connu au Québec à cause que, écoute, il risque d'être repêché rapidement. Ça va être un autre Québécois dans la NFL. Tu sais, j'espère qu'on va le faire connaître autant pas que Laurent. Pas très connu, puis c'est vrai. Puis moi, écoute, on l'a connu parce que, moi, j'y ai parlé parce que ça fait... C'était la troisième entrevue que je faisais avec, troisième, quatrième, tu sais, parce que je suis la NCA, mais au Québec, les gens ne suivent pas la NCA. Voilà. Avec les Golden Gophers du Minnesota, il était partant, on a fait une entrevue avec Wallet l'année passée. Exact, puis il est moins connu que des joueurs qui ont joué peut-être leur football universitaire au Québec, comme Anthony Auclair ou Laurent Duvernay-Tardif. Mais il gagne à être connu, puis j'espère qu'il va devenir aussi populaire que ces gars-là, parce qu'écoute, il le mérite. Puis Je retiens aussi ce qu'il a dit, ce qu'il t'a répondu comme question, Danny, que si l'opportunité un jour se présente avec les Alouettes, Ben, c'est ça, j'ai texté Danny Matsuoka pour l'entrevue après, puis il était bien content de savoir ça. Ah, puis je peux te dire que ça paraissait que, hein, dans sa réponse, ça paraissait que pour lui, les Alouettes, c'est important, puis qu'il aimerait vraiment ça, je pense, un jour, jouer pour les Alouettes. Ouais. Donc, on va se laisser, puis on s'en reparle un autre tantôt pour le repêcher à la NFL dans un mois. Excellent. Merci, Salut, Dani. Hugues.